est en train de virer fou collectivement avec matricule 728. Ben, j'espère a blessé Derek Jeter dans le match entre les Yankees et les Tigers. C'est elle qui a pété la cheville. J'espère que c'est de sa faute. J'espère qu'on est fâchés après elle, là. Ça va pas bien, là, avec matricule 728, là. Hey, on est en train de la faire passer pour la pire criminelle de l'histoire de la province de Québec. On la traîne plus dans la boue qu'un pédophile. Elle est plus traînée dans la boue que bien des pédophiles qui sont passés dans les médias la semaine dernière, là. Ça, c'est la même société qui fait des belles campagnes contre l'intimidation à l'école, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est on est une belle gang d'hypocrites. Ah, hein? Pas à peu près. Pas à peu près. Quand on se décide qu'on se met sur le dos de quelqu'un collectivement, là, on est une belle gang de zouf, hein? Ouais. Moi, je veux pas défendre outre mesure matricule 728. Elle a échappé, elle s'est faite pogner, elle beurre la police de Montréal au grand complet. Je suis son chef de police. Moi, j'ai dit, hey, fille, fais ta poche, là, puis va-t'en chez vous, c'est fini. Moi, je vais la défendre sur un point. C'est que là, on est sur son cas pour une raison. Radio-Canada est sur son cas. Beaucoup d'autres médias sont sur son cas. Là, on a rencontré ses voisins, son chien, quelqu'un qui a déjà pris le char avec. Là, les humoristes sont sur son cas aussi. Ben tout le monde est sur son cas pour une raison. C'est pour l'histoire et je suis convaincu on est sur son cas pour une raison. C'est ses propos sur les carrés rouges et les gratuits de guitare. Ben c'est pas à cause de ses interventions qu'on est sur elle. La raison principale pour laquelle on est en train de se mettre à la gang pour essayer d'y rentrer dedans, c'est ses propos concernant les carrés rouges. C'est la principale raison pourquoi tout le monde se permet de fesser sur cette policière-là, qui est une policière qui a manqué de jugement dans plusieurs interventions. Quand t'es en train d'égorger un gars parce qu'il prend une bière sur le trottoir, tu vas loin. Mais c'est pas pour ça que tout le monde est sur son col. Ton point, c'est que si les gens sont sur son dos puis l'ont traité de tout et non depuis trois jours puis ont sous-entendu plein de vacheries sur elle... C'est à cause de ça. On s'en permet à cause de ça. C'est à cause de cette opinion-là, qui est une opinion mal bâtie, mal dite, mais qui est toujours bien rien qu'une opinion pareille. Et qui est partagée par bien du monde au Québec. Je pense que oui. Là, on a réussi à le menotter, mais là, pendant ce temps-là, tous les rats qui étaient en haut dans les gratteux de guitare, c'est tous des escorts rouges, là. C'est tous des artistes, en tout cas, des mangeux de marbre. Et là, ils ont comme tous commencé à sortir de l'appartement, tu sais. Même si j'aurais pas été 728, là, c'était des caves pareilles, là. Tu sais, c'est juste qu'ils m'ont reconnu. Ben, c'est bien sûr qu'ils m'ont reconnu, aussi. Je suis facilement reconnaissable, là, hein. Mais une fille qui brosse, il n'y en a pas 12 000, hein. Je sais pas pour évrer, mais non, mais j'étais sur le bord en tabarnak, par exemple. Non, j'étais sur le bord, ça me tente en crise. Je dis, là, c'est pour que je poive, là, ça va faire les manchettes. Ça doit faire 22 fois je l'entends puis je la trouve encore drôle, mais sur le fond, est-ce qu'on est plus brillant que ça lorsqu'on parle puis qu'on pense qu'on est en privé avec des gens dans notre intimité puis qu'on parle sous le coup de l'émotion? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Sans vouloir la défendre outre mesure, parce que quand tu dis des affaires de même, organise-toi pour pas te faire pogner si t'es une police. Moi, je vais la défendre là-dessus, là. Je vais la défendre là-dessus. C'est bien de valeur. Moi, je vais la défendre là-dessus. Sur ce qu'elle a dit, là. Écoute, il y a bien du monde qui pense comme elle. Et elle s'adressait à quelqu'un en privé. Et à cause de ça, on s'en permet plus et on fouille son dossier davantage. Et on s'acharne sur elle davantage à cause de ce qu'elle a dit. Oui. Parce que des histoires de brutalité policière, on s'entend-tu qu'elle n'est pas la seule, là. Mais là, on s'est rendu... Elle n'est pas la seule, là. On s'est rendu loin en fin de semaine. Ah oui. Ben, là, est-ce que... Attends un peu. Y a-tu un prof... Ça, c'est-tu vrai, cette histoire-là? Là? Ben oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un professeur qui enseigne l'éthique dans nos écoles? Mm-hmm. L'éthique. Quoi faire, quoi ne pas faire. Le jugement, la logique, l'intelligence, l'éthique. Est-ce qu'un prof d'éthique en fin de semaine a publié sur Internet l'adresse privée de matricule vendredi, 728? Vendredi, et ça s'est rendu aussi sur Facebook à des demandes d'exécution. Là. Lui, a-tu encore une job à matin? Ben, je pense que oui. Là. Si à matin, j'arrive puis je vous donne l'adresse du policier qui est allé manifester avec les carrés rouges en fin de semaine, ça prend combien d'heures, d'après vous autres, avant que je fasse déchirer mon contrat et que bien, je me fasse renvoyer chez nous? Ça ira pas bien, ça ira pas bien. C'est complètement stupide de faire une affaire de même. Et... Un prof d'éthique. Ça fait qu'il y a encore une job à matin. Y a-tu un directeur qui le bac? Y a-tu une école qui appuie ça? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, c'est un scandale. Je peux-tu te dire que la personne qui donnerait mon adresse privée sur Internet, un humoriste qui veut faire son smart, là, pis qui appelle des crinqués à venir chez nous, là, peux-tu te dire que je les attendrais avec une pelle, moi? Puis j'irais le chercher, le gars qui donne mon adresse privée, dans un contexte émotif. On s'en permet, tu dis? On s'en permet parce qu'elle a chié ses carrés rouges. On s'en permet pas parce qu'elle a failli étrangler quelqu'un. On s'en permet parce qu'elle a chié sur les carrés rouges. C'est ça la raison. Et Radio-Can a des journalistes à temps plein là, sur ce dossier-là depuis quelques jours. On va te faire entendre un extrait diffusé vendredi. C'est une voisine là, de l'endroit où la fameuse intervention a eu lieu. Puis là, elle commentait, là, puis d'autres détails supplémentaires là, sur cette histoire-là. Là. C'est gros. Le Québec versus matricule 728. Dès qu'on est arrivé ici, justement, c'est là où on a vu toutes les voitures arriver de tous les côtés. Fait que c'était super impressionnant. Et c'était la panique extrême dans sa face. Là, je l'ai très bien entendu dire, mais écris-le pas comme ça, parce que si ça va en cours, cette affaire-là, je veux pas me faire écœurer. Fait qu'écris-le d'une certaine façon. Oui, puis là, ils se sont parlé entre eux. J'entendais pas qu'est-ce qu'ils ont négocié. Elle dit, OK, c'est beau, si tu l'écris comme ça, il y a pas de problème, ça devrait aller. Vous pensez qu'il y a eu complicité? Absolument, oui. Puis ils étaient à peu près une dizaine de policiers à se regrouper en cercle. C'est la pire criminelle du Québec actuellement, là, aux yeux de bien du monde, là, matricule 728. Là. Les pédophiles, là, on s'en balance. Ah, on s'en sac. On s'en fiche. Dans la même société où on a un débat à connaître les adresses des agresseurs d'enfants, on a publié sur Internet en fin de semaine. J'ai totalement raison. Ouais. L'adresse privée de matricule 728. Et on met même pas 10% des efforts qu'on met sur matricule 728. On met même pas 10% des efforts qu'on fait là, sur les pédophiles actuellement. Les médias, puis ceux qui dénoncent, puis sur Internet, puis les pédophiles sont même pas dénoncés comme ça avec autant de virulence. Mais là, c'est de bon ton de tomber sa frippe à matricule 728. Fait que là, tous ceux là qui font des beaux messages contre l'intimidation dans nos écoles, puis c'est pas bien de dire des gros mots, puis l'acharnement dans les stations de radio de Québec, étirer l'élastique de la liberté d'expression jusqu'à le péter. Tous ces gens-là, là, les donneurs de leçons à deux scènes, là, soudainement, peuvent faire des jokes de chienne avec matricule 728. Mais ben, tout le monde, cette semaine, j'ai été outré par la policière qui porte le matricule 728. Qui le portait. Je trouve qu'au moment où on fait des luttes contre l'intimidation, des choses comme ça sont inacceptables. Et on avait la solution la semaine dernière. Il était ici, César Milan. Hein? Une petite joke de chienne, on applaudit 2 millions de téléspectateurs le dimanche soir. C'est de bon temps de faire du bullying quand on est sa bonne personne pis c'est le bon dossier. Est-ce que Jasmine Roy a surgi pour la défendre? Non. Danny Turcotte a dit ça, non? Non. Ah, on peut faire des tounes aussi. Ben oui, ça c'est de bon ton. Hein, sous-entendre que c'est une frustrée sexuelle pis c'est pour ça qu'elle tape du monde. Ah, ça on peut! On peut pas dans les écoles, on peut pas dans... Mais là, c'est de bon ton, parce qu'on en a trouvé une là qu'on haït. Qui est contre les carrés rouges. Là, on peut la ramasser. Elle a mérite de se faire facer dessus.